Oui, accentuer mes partenaires. Dans l'autre jouer toute cette merde. Tu veux mon cœur dans la gueule. Bonsoir à tous, Jean-François Lusignan au micro. Bienvenue à l'émission Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant. On est ensemble pour la prochaine heure et si vous voulez retrouver la liste des chansons qui va jouer justement pendant les 60 prochaines minutes, ce sera disponible dans une heure sur le CISM893.ca. Et parlant de liste de chansons, on va entendre entre autres du Curvy Tash, une formation locale, aussi du Mystery Machine, Beat Happening en classique de la semaine, aussi formation défunte de Pelleas, également souvenir francophone avec Les Saints plus tard dans l'émission. On commence avec un premier bloc de trois chansons, trois formations qui viennent de faire sortir des nouveautés. On commence avec Bad Dreams qui s'écrivent Dreams, D-R-E-E-M-S. Bad Dreams sont une formation australienne. Ils viennent de lancer une nouvelle chanson sur Bandcamp qui se nomme Tomorrow Mountain. On écoute ça tout de suite sur les ondes de CISM. I never wanted Boys and Girls avec la chanson Kiss Me Blind qui se retrouve sur la compilation. Une compilation qui était produite ou sortie l'année dernière pour souligner les 5 années d'existence du label chinois Maybe Mars. Donc une compilation de, qui comprend, je pense, à peu près 20-25 artistes chinois sous cette étiquette-là. Et le nom de la compilation, si vous le cherchez, ça s'appelle Independent China in Stereo. Maybe Mars 5th Anniversary, c'est disponible sur Bandcamp. Et c'est vraiment Maybe Mars, l'étiquette là, qu'il faut suivre si vous voulez savoir ce qui se passe du côté du rock indépendant ou rock alternatif en Chine actuellement, parce que ça bouillonne de ce côté-là également. Et une autre région où ça bouillonne, c'est du côté de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. On a entendu juste avant les Néo-Zélandais de Pop Strangers et leur chanson What Else Could We Do? C'est ça, et ça se retrouve sur Antipodes, leur premier album complet qui sortait mardi dernier sur Car Park Records. On va continuer maintenant avec un trio local, il s'appelle Curvy Tash. Ils font une espèce de rock à la limite là, du psychédélique. Ils ont sorti l'année dernière 2 EP sur Bandcamp. On va entendre du EP post-rétro, la chanson Post-Apocalyptus, sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. jusqu'à 22h. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus. Vous venez d'entendre, en provenance de Brisbane, en Australie, c'était The Rational Academy, avec leur chanson End of the Year. Ça se retrouve sur Winter Hunts, un album qu'ils viennent de faire paraître. En fait, c'était au début de l'année, en janvier, le 4 janvier, il me semble, si j'ai une bonne mémoire. Et c'était précédé de Hurt Hurt, ou moins ma prononciation en anglais, Hurt Hurt avec la chanson Matador is Dead. Et il s'agit d'une formation japonaise, si vous avez remarqué, parce qu'on ne comprenait pas grand-chose à ce qu'ils chantaient, même que je soupçonne c'était même peut-être en japonais. On va maintenant poursuivre avec un segment un peu plus calme qui devrait reposer un peu vos oreilles, un peu moins de distorsion. On va maintenant passer au classique de la semaine qui est l'album Dreamy de Beat Happening qui remonte à 1991. Même si le groupe Beat Happening n'a pas officiellement annoncé sa séparation, le dernier matériel qu'ils ont produit remonte quand même à 1992. Donc c'est tout comme s'ils s'étaient séparés ou en fait ils se gardent une petite porte pour revenir un jour nous voir. Beat Happening sont un peu considérés comme étant faisant partie des pionniers du lo-fi américain, avec une espèce de rock là, assez minimaliste et en même temps assez saturé. Vous allez voir ça. On va entendre la chanson Me Untamed de Beat Happening sur les ondes de CISM. Me and We'll be right back. Merde in French du défunt quintet féminin de Belize, une formation de Montréal qui malheureusement n'existe plus, mais je crois pas me tromper en me disant qu'il y a certains membres de cette ancienne formation-là qui travaillent toujours dans, ou qui ont des nouveaux projets en fait, donc c'est à suivre. Si vous avez aimé The Pillies. Et juste avant, c'était Cuss Words, un projet de Brooklyn qui est mené par un gars qui s'appelle Brandon White et qui a été beaucoup comparé à Neil Young, justement, là, pour sa espèce de créativité puis sa sonorité quand même assez similaire. Et ça, ils ont sorti un album il n'y a pas tellement longtemps qui s'appelle justement Brandon White's Cuss Words. Et ils avaient entendu de ce projet-là la chanson Choose to Lose. On va poursuivre maintenant avec Mystery Machine des gens de Vancouver. Voici leur chanson Runaways sur La Marge CISM. C'est un classique de CISM, Les Saints avec Dans mon bolide, qui se retrouve sur leur album Toi me rococo, qui sortit en 99 et qui comprenait un autre succès qui a beaucoup tourné à CISM, la chanson Ta mère. Il y avait également Légende vivante. En fait, plusieurs chansons qui ont tourné beaucoup à la station à l'époque. Et juste avant, c'était une nouvelle chanson des Connies, formation punk rock locale. C'est la chanson Je n'ai pas ce que je veux. Et ils ont viennent de sortir en fait un nouveau EP il y a tout juste 2 semaines. Et ça s'appelle J'espionne ma colocataire et c'est disponible sur leur Bandcamp des Connies. On a le temps pour 2 dernières chansons. Après ça, on fera le mot de la fin. On va entendre dans le prochain segment de Daisy Temple et leur chanson Got Your Harm. Mais on débute tout de suite avec les nitrates de Madame Mimieux. Et ne t'en fais pas, leur tête roulera toujours à l'émission Le Terminus. Daisy Temple avec Got Your Arm. Zika Mendes s'en vient dans quelques minutes pour son émission La MyFi. Pour retrouver la liste des chansons que jouer pendant la dernière heure également, la réécouter cette émission-là, c'est le CISM893.ca également, archive de l'émission sur le terminus.ca. Et c'est pas mal ça qui est ça. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle vendredi prochain, 21h, pour une autre édition de l'émission Le Terminus. Ciao! Montréal en lumière promet des soirées des plus flamboyantes. Soyez de la fête dès le 21 février avec l'incontournable de la scène pop-rock française, M, pour deux soirées déjantées. L'héritier de Brel et de Brassens, Benabar. Aussi, la voix riche et profonde de Morand. Deux étoiles émergentes du hip-hop, Aurel San et Corias, et les acrobates de renommée internationale du Festival mondial du cirque de demain à la TOHU. Billets sur montrealenlumière.com. Une présentation de RBC en association avec La Presse et CISM. Sont plutôt secs? Écoute les préliminettes. Le samedi, de 23h à minuit. Disponible dès aujourd'hui sur votre téléphone, l'application Tabasco Thierry. Thierry, c'est lundi soir. Qu'est-ce que je peux faire? Pas de problème. Va immédiatement au Tabasco Bar, t'hydrater, car ce soir lundi, c'est notre soirée mojito double. Thierry, j'aime pas trop les blondes. Que dois-je faire? Pas de problème. Il y a des rousses, des brunes et des ambrées. Thierry,